Chapitre 6e, Nuit mouvementée. Cette nuit-là, Delbon reposait d'un sommeil paisible. Dans la chambre par Bernard aménagée, au premier, dans le cours principal du bâtiment inachevé, s'entendait le seul tic-tac de la pendule qui, avec sérénité, découpait le temps en menues tranches égales. Soudain, l'ingénieur eut un cauchemar. Un anamite, Lofou, qu'il avait eu jadis à son service, le terrassait, sans la moindre provocation, et lui martelait la tête avec une sorte de massue. Il se réveilla en sursaut, le visage jaune, aux yeux sournois et bridés, s'évanouit, mais la sensation de martèlement persista pendant quelques secondes, puis se transforma. Elle n'était qu'auditive. Dressé sur son séant, l'ingénieur écouta. Quelque part, dans la maison, à un endroit pour le moment impossible à déterminer, retentissaient à intervalles réguliers des coups sourds que le silence amplifiait. On eût dit d'un minuscule bélier. Delbon, on le sait, était brave. Son existence aventureuse l'avait souvent mis en présence de circonstances inquiétantes, voire périlleuses. Il ne s'affola donc pas, n'alluma même point l'électricité, mais épia, attentif à surprendre de quelle direction venait le bruit insolite. Très calme, il enfila son pantalon, passa un veston, se chaussa de pantoufles, se saisit de son Browning, ouvrit la porte avec lenteur, avec douceur, pour qu'elle ne criât pas sur ses gonds. Puis il s'aventura dans les ténèbres du couloir, descendit posément l'escalier qui aboutissait au rez-de-chaussée et s'introduisit dans la vaste cuisine. Il était favorisé dans son expédition par une remarquable mémoire visuelle et une nyctalopie à laquelle il avait dû son salut, jadis. Il y avait bien longtemps de cela. Presque sans tâtonnement, il s'assura qu'un malfaiteur possible n'avait pas songé à transformer en arme le couperet, dont un autre aurait pu remarquer la présence. La sinistre et pesante lame était toujours à sa place. Par mesure de prudence, il l'arracha du bio et la dissimula sous un fagot. Une précipitation inconsidérée risquait peut-être de lui faire perdre l'occasion de pénétrer un mystère dont il était sûr. Il écouta encore pour s'orienter. On ne s'était pas interrompu dans l'énigmatique besogne. Plus distinct, les coups frappés se répercutaient dans cette aile de l'ancienne demeure et même dans le studio où une balle avait failli interrompre la carrière de l'ingénieur le soir de son arrivée. Delbon n'était pas au bout de ses surprises désagréables. Comme il gravissait l'escalier inachevé, il perçut des voix alternées dont il distinguait nettement les intonations. Sur l'une d'elles, qui paraissait protester avec véhémence, il était impossible de se tromper, elle était trop familière. C'était celle de Bernard. Quant à l'autre, impérieuse, menaçante, désagréable, déconcertante, avec ses notes aiguës de fausset, elle évoquait une physionomie rapidement entrevue, mais se dessinant quand même, par son expression équivoque dans l'esprit de l'ingénieur, celle de Delphin Gresset. Que se passait-il? Quel trouble lien unissait les deux compères? Dans son désir impérieux d'éclaircissement, Delbon perdit toute mesure, il s'élança. Par malheur, il n'alla pas loin. Il buta contre une marche, dégringola. Le fracas de sa chute était propre à disperser des ombres. Il ajouta cependant de nouvelles inconnues au problème. Delbon s'évertua à reprendre son équilibre lorsqu'il le perdit de nouveau. Il fut rudement heurté par un individu qui déballait en trombe et qu'un autre individu suivait. Furieux, ayant à peine repris son aplomb, Delbon porta rapidement la main à sa poche, en sortit son Browning et tira au petit bonheur sur les fuyards, ou plutôt dans leur direction. Les détonations réveillèrent les échos endormis de la vieille demeure et ce fut de nouveau le silence. La seconde d'après, l'ingénieur se précipitait dans la cuisine, puis dans le hall. Les visiteurs s'étaient escamotés subitement, évaporés, à croire un enchantement. Personne, rien d'autre que la fuite éperdue, devinée, plutôt qu'entendue, d'un rat qui faisait des siennes par là. « Va-t'en voir s'ils viennent, Henri, » maugréa Delbon. Et ainsi sa pensée fut ramenée à ce Bernard, qui paraissait non seulement usé et abusé des proverbes, axiomes et aphorismes, mais encore de la confiance, à vrai dire, pas mal ébranlée de son maître. « Je saurai bien ce que tu as dans le ventre, » grogna l'ingénieur. « Ensuite, nous verrons à régler nos comptes. » À la poursuite d'une certitude, puisque les autres lui échappaient, il gravit, 4 à 4, l'escalier. Bientôt, il s'assurait que Bernard ne se trouvait pas dans sa chambre, au deuxième étage de l'aile droite de la vieille maison. Ce point acquis, il faudrait bien que le domestique avoie en quelle compagnie il venait de passer des instants qu'il ne réservait pas au repos. Delbon appliqua son oreille contre la porte de bois fragile. Un ronflement sonore, d'un régulier crescendo, s'élevait. Bernard dormait avec la confiance que procure un solide estomac et une conscience tranquille. L'ingénieur allait se retirer, déçu. Il se ravisa. N'était-il pas la dupe d'une feinte facile ? Allons donc ! Il avait eu affaire dans le passé à des individus de toutes couleurs, dont le sac était riche en innombrables tours. Cette fois, il ne se laisserait pas jouer. Il appuya délicatement sur le loqueteau qui céda. Il ne tenait plus qu'à lui de pénétrer dans la chambre. Il hésita, esprit oscillant entre deux raisonnements contraires, ou Bernard, dans sa précipitation, n'avait pas eu le loisir de fermer sa porte à clé, ou, insouciant, par humeur et par habitude, il négligeait une précaution qui lui paraissait complètement inutile. Les deux hypothèses avaient également apparence d'être valables. Il fallait en avoir le cœur net. Le ronflement continuait avec son rythme croissant et décroissant. Un rapide coup de pouce sur le commutateur et une nappe de lumière, ruisselant du plafonnier, chassa l'obscurité des moindres coins. Sous la couverture du lit, au pied duquel les chaussures s'alignaient symétriquement, un corps bougea et Bernard redressa le torse. Il avait été visiblement arraché par la brusque clarté à un sommeil profond. Sa chemise béait sur sa poitrine velue. Il se frottait les paupières comme pour s'extraire de la poussière des yeux, et d'une voix fort naturelle, plus étonnée qu'inquiète, il demanda « Qu'y a-t-il ? » Delbon, de plus en plus perplexe, le considérait sans mot dire. Aucune hallucination ne se prolonge si longtemps avec une pareille logique. L'ingénieur écartait donc la possibilité d'un moment d'aberration. Oui, il ne se méprenait pas. Oui, il avait reconnu la voix de Bernard dans la bibliothèque. Ce n'étaient certes pas des fantômes qu'il avait frôlés lorsqu'il se relevait de cette chute, dont une douleur contuse lui rappelait le souvenir. Alors, il rageait de ruminer des raisonnements dont il ne tirait aucune conclusion pratique. Il se faisait l'effet d'un moulin qui tourne à vide. Bernard l'arracha à ses réflexions dépitées par une de ces sentences dont il trouvait l'inspiration dans chaque événement. La nuit on dort si l'on n'est pas fou ou si l'on n'est pas mort. Puisque monsieur n'est ni l'un ni l'autre, que désire-t-il ? Je serai à ses ordres dès que j'aurai une mise décente. Delbon reprenait son sang-froid. En laissant percevoir des doutes, il paraîtrait absurde si l'on n'était pas coupable ou éveillerait la méfiance si l'on avait quelque chose à se reprocher. Il s'informa donc tranquillement. Tu ne t'enfermes pas pour dormir ? Bernard répondit avec une sérénité de philosophe. Les pauvres gens sont comme les chiens, ils n'ont pas de bien. Leurs niches et leurs trous n'ont besoin de targettes ni de verrous. Ce flegme, qui à l'ordinaire irritait déjà Delbon, l'exaspéra plus encore malgré qu'il se contint de son mieux. Il lança, non sans énervement, une seconde question. Tu n'as rien entendu ? Bernard, se méprenant ou feignant de se méprendre, avec beaucoup d'adresse, consentit. Si. Et après une pause, il répéta « si ». Le bref adverbe vint avec un tel à-propos que l'ingénieur, en interprétant la signification de son propre désir, précipita. « Quoi ? Quoi ? Allons, réponds, quoi ?» Toujours imperturbable, et comme surpris qu'on lui demanda de confirmer l'évidence, le domestique s'étonna. « L'arrivée de monsieur, Pardienne ?» Complètement hors de ses gonds, Delbon, pour ne pas témoigner de sa colère, fut obligé de couper court par un sec. « C'est bon. » « Lève-toi et viens. » Sans même paraître témoigner du désir d'obtenir un complément d'explication et sans laisser percevoir la moindre humeur, Bernard, en serviteur bien stylé, sauta bas de son lit, se couvrit rapidement des vêtements indispensables et suivit son maître. Celui-ci entreprit une ronde dans la maison et commença par le rez-de-chaussée où il ne découvrit absolument rien de suspect. Les verrous étaient tirés, les volets soigneusement rabattus et retenus par leurs crochets de fer. Cependant, dans la bibliothèque où il se proposait une investigation plus sérieuse encore, un objet, qu'il n'avait certes pas déposé lui-même, traînait non loin du fameux chandelier. Il désigna l'objet à Bernard. « Qu'est-ce ceci ? » Avec placidité, le domestique répondit « Un marteau ». Delbon riposta. « Évidemment, ce n'est pas une clarinette. Mais qui a apporté cet outil ? Est-ce toi ?» Le geste de dénégation du domestique s'accompagna d'un second geste vague, pour signifier son ignorance absolue quant à la qualité, divine ou humaine, de l'être qui paraissait s'être proposé d'installer un chantier à cette place. Cependant, Delbon poursuivait sa petite enquête. Toutefois, il ne jugea pas à propos de communiquer ses réflexions à Bernard. Celui-ci, en apparence, fort détaché de l'affaire, dissimulait mal de prolonger bâillement et paraissait attendre impatiemment le moment où son maître l'autoriserait enfin à aller se recoucher. Delbon réfléchissait. On n'a point apporté cet outil dans le seul but louable de parer à la négligence d'un menuisier. dont je pourrais éventuellement requérir les services. J'inclinerais à croire que l'on s'en servait pour une besogne indéterminée, et que, le cas échéant, on n'eût pas hésité à m'en fracasser le crâne. Comme il examinait plus attentivement le marteau, il grogna soudain de contentement. Sur le côté arrondi de la tête d'acier, il venait d'enlever d'un coup d'ongle une minuscule écaille de peinture marron. Jetant un regard autour de lui, il courut au panneau de chêne qui, verni de cette couleur, soutenait la bibliothèque et les considéra soigneusement. Il ne se trompait pas. De place en place, il semblait avoir été martelé, et sur l'un d'eux s'était même écrasé, de haut en bas, comme l'indiquait la direction de la tâche, une goutte de bougie. L'ingénieur tenait l'explication des coups perçus un instant auparavant. Mais la raison de ce travail restait obscure. On avait sondé le mur, soit. On avait cherché à le supprimer, lui d'Elbon, parce qu'on le considérait comme un gêneur probable, soit encore. Mais qu'espérait-on découvrir? Là était le X. Il aimait à résoudre les équations. Allons, il s'ennuierait moins qu'il ne le craignait, dans ce pays perdu et cette maison déserte. Peut-être chercherait-on encore à se débarrasser de lui. Bon, il était combatif et se tiendrait à carreau. Presque joyeux de la perspective qui s'offrait, il s'écria. « Maintenant, allons-nous recoucher, Bernard. J'espère bien qu'on ne me dérangera plus et que je ne te dérangerai pas davantage. »